Je propose que vous preniez place parce qu'on a déjà pas mal de retard. Alors si vous voulez manger à midi... Donc on va redémarrer, il est midi moins 10, on a un bon petit moment de retard. En théorie, on devait arrêter à midi et demi, on va voir comment ça se passe. Donc on va passer à la restitution de deux autres thèmes, des ateliers de deux autres thèmes. Et vous verrez qu'on a varié les formats, en tout cas les auteurs des restitutions ont varié les formats de restitution par rapport à ce que vous avez déjà observé ce matin. Donc les deux thèmes qui vont être abordés, c'est le thème 2, apprentissage professionnel et dispositifs de formation, et c'est Jacqueline Beckers qui fera la restitution, en tout cas qui prendra un point de vue sur le thème, en se nourrissant de ce qu'elle a pu voir et entendre dans les ateliers. Suite à quoi on vous propose... un très court temps d'échange, malheureusement, vu le retard qu'on a déjà. Mais en tout cas, il y aura possibilité de poser des questions sur ce thème et sur ce que Jacqueline aura pu en dire. Et puis, on passera à la restitution du thème 4, didactique professionnelle et nouvelle pression sur le travail, qui sera assurée par Pierre Parage, qui est formateur, consultant et chercheur associé au CREN, et par Paul Aulry, donc ils feront ça à deux voix, Paul Aulry qui est professeur à AgroSup Dijon. Donc je donne la parole à Jacqueline pour sa restitution. Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Oui ? Bon, bonjour à tous et à toutes. Bah, Isabelle parlait tout à l'heure de Mission Impossible. Oui, je confirme, Mission Impossible. C'est un peu difficile d'anticiper sur la base des résumés. Donc j'ai fait une ébauche de montage que je vais utiliser et que j'ai essayé de compléter avec les informations glanées. Je remercie d'ailleurs les animateurs des différents ateliers de m'avoir consacré un peu de temps hier en fin de journée pour un débriefing collectif sur ce qui avait émergé dans les différents ateliers, puisque je ne pouvais pas aller dans tous les ateliers, forcément. Donc voilà, et je veux surtout m'excuser auprès des auteurs des différentes contributions parce que je ne vais pas faire quelque chose d'aussi systématique qu'Isabelle et Lina en associant chaque fois les auteurs à différents éléments que j'ai pu glaner, donc ce sera beaucoup plus transversal. Je suppose qu'ils s'y reconnaîtront quand même parce que je n'ai pas inventé de toute pièce évidemment ce que je vais vous proposer. Après ce préambule qui me sert un petit peu de faire un peu d'attribution externe, hein, de me protéger, je vous propose un peu ma relecture du thème 2. Alors, bien, ça ne va pas. Attends, donc diapo, et puis après... Ah oui, à partir du début, on m'a dit. Tout le monde entend mes bêtises en plus avec le micro. Bien, alors le thème 2 avait donc pour objectif de questionner le lien entre apprentissage et développement professionnel du point de vue des dispositifs. Alors, la grille de lecture que j'ai choisi d'adopter, c'est de reprendre en fait... Donc pour un peu ramasser les choses que j'ai pu observer, les questions qui se sont posées au travers des ateliers, c'est de ramasser ça autour des trois conditions que Pierre Pastret propose comme étant susceptibles de favoriser le fait qu'un apprentissage soutienne un processus de développement. Alors, il y a d'abord une situation de discordance dont le sujet peut tirer parti, en tout cas c'est favorable quand le sujet peut en tirer parti, une généralisation travaillée, délibérément, explicitement, et une reprise en jeu, passage incontournable, qui est effectivement favorisée par les dispositifs. Ces trois conditions me paraissent à la fois... d'interroger les finalités des dispositifs et aussi les méthodologies adoptées et le rôle pris par les formateurs. Alors, je peux se recommander au fond ici. Oui. Voilà. Alors, relativement aux finalités, effectivement, et les conférences de ce matin ont encore bien mis l'accent là-dessus, l'évolution du travail questionne les finalités des dispositifs de formation. La pression est mise assez incontestablement sur le fait de former des travailleurs qui sont compétents quand ils quittent la formation, mais aussi qui le resteront, c'est-à-dire qui sont capables, mais aussi adaptables. Alors, déjà, ce positionnement-là risque, on l'a vu un peu dans certains ateliers, de susciter une tension entre le générique et le spécifique. Est-ce qu'on prépare des gens très pointus sur un métier bien précis, ou est-ce qu'au contraire, pour les rendre plus adaptables, on va plutôt vers des choses plus transversales, avec un espoir de transfert qu'on peut évidemment questionner. Alors là aussi, j'ai repris une citation de Pierre, en tout cas la fin, c'est de lui. Il me semble que la force d'un dispositif de formation est d'avoir quand même en point de mire le fait de former des professionnels engagés, critiques par rapport à tout ce qu'on leur demande et par rapport à l'évolution du système, et capables, effectivement, et j'aime bien cette association-là pour, comme hypothèse de régler la tension entre le générique et le spécifique, capable de traiter des problèmes spécifiques, clairement liés à un métier donné, mais en les voyant comme des cas particuliers de configuration générale. Confère condition B, importance de travailler la généralisation. Mais les dispositifs de formation ont aussi une responsabilité qui me paraît au moins aussi essentielle, celle de permettre effectivement le développement du sujet. Par exemple, les stages, qui sont effectivement des incontournables, on y viendra tout à l'heure, doivent aussi permettre aux futurs professionnels de se projeter dans un secteur de travail, de voir s'ils se reconnaissent dans l'exercice de ce type de métier. Peut-être aussi la formation a-t-elle comme responsabilité de leur apprendre à gérer des déceptions, des manques de reconnaissance qui vont peut-être essuyer déjà quand ils sont en stage et sans doute aussi dans la vie professionnelle. Il me semble que notamment le rôle du sujet, la place du sujet, elle a quand même été fort mise en avant dans les discussions autour des communications des ateliers. On en a beaucoup reparlé déjà aussi depuis. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait sens auprès d'un grand nombre de participants à cet atelier. Alors, côté plutôt, parce que la porte d'entrée privilégiée par les communications, ça a quand même été, et c'est un peu normal étant donné l'intitulé du thème, d'entrer par les méthodos, par les méthodologies et par les rôles des formateurs en regard de ces finalités. Alors, parmi les choses qui ont été abordées et développées, il y a d'abord une masse d'informations qui ont traité des stages et de l'importance et du rôle des stages. Stage, expérience d'apprentissage, est-ce aussi une occasion de développement? Donc beaucoup de communications ont abordé, il y avait d'ailleurs trois, je n'ai pas fait de statistiques, autant de ça, mais il y avait déjà trois ateliers consacrés spécifiquement à l'aspect stage, donc ça donne un peu aussi l'ampleur de ce que cet objet-là a pris dans les discussions des ateliers. Et donc, le pouvoir formatif des stages a été quand même un certain nombre de fois interrogé. Alors, je pense qu'il faut ici dissocier, moi je vais dissocier sur la diapo, vous voyez, il y a deux aspects. Il y a le plan opératoire, d'une part, et puis le plan des valeurs et des normes. Alors, sur le plan opératoire, je pense qu'effectivement, un stage est susceptible effectivement de permettre quantité d'apprentissage, mais que l'apprentissage qu'on fait dans un stage, il est quand même le plus souvent local, c'est-à-dire très lié au contexte dans lequel on fait son stage. Et, problème qui a été quand même évoqué dans un certain nombre de communications, pas toujours explicité. Alors, relativement, qu'est-ce que le dispositif de formation peut faire, effectivement, pour favoriser, pour pallier plutôt ce manque d'explicitation? Est-ce que, par exemple, il faut, en anticipant au moment de la formation, c'est une des questions qui a été posée, est-ce qu'il faut instrumenter l'observation des futurs professionnels sur le terrain? Puisqu'on sait bien que les professionnels, ils ont beaucoup de savoir, mais qui sont parfois cachés dans l'agir et qu'il y a un manque d'explicitation, dans un certain nombre de cas, en tout cas. Alors, cette proposition-là, elle a son intérêt, sans doute. Peut-être que le risque, parce que par exemple, ça prend parfois la forme de grilles, qui au niveau de la formation, au moment de la formation, sont données, voire travaillées avec les futurs professionnels avant qu'ils n'aillent en stage, qui peuvent leur servir d'outils d'auto-évaluation, aussi d'observation forcément, et qui servent aussi à l'évaluation que les formateurs de terrain, d'une part, les formateurs de l'institution de formation, d'autre part, utilisent aussi pour évaluer leurs stagiaires. Alors, dans cette mesure-là, un des dangers évoqués dans un certain nombre d'ateliers, c'est qu'il y ait une espèce de formatage de la prise d'infos qu'on prend sur un terrain au travers de ces grilles-là, qui sont un peu l'adduction de l'institution de formation. Une autre chose qui a été évoquée et que je n'avais pas captée dans les résumés, c'est qu'effectivement, dans certains cas, il paraît intéressant, peut-être, du point de vue en tout cas pris par l'institution de formation, de préciser la commande sur le type de tâche que l'on voudrait plus spécifiquement confier aux stagiaires dans les lieux de stage, étant donné un processus engagé dans la formation. Ce qui, effectivement, peut-être favorise aussi le caractère explicite des choses qu'on est censé apprendre en faisant ce stage-là. Et alors, il y a tout le travail qui a été évoqué et qui me paraît vraiment être une source de richesse potentielle à vraiment creuser, c'est le travail avec les tuteurs. Il n'y a pas énormément de communications qui ont parlé vraiment de ce travail collaboratif avec les tuteurs, avec l'aspect complémentarité des regards, qui me paraît, elle, vraiment très intéressante et porteuse d'avenir, je trouve, dans la perspective de maximiser le potentiel d'apprentissage et de développement des stages. Donc ça, c'est un petit peu des éléments qui viennent et qui illustrent un petit peu ce qui était dans le texte d'introduction. Je trouvais que c'était une jolie formule qui disait « Est-ce qu'il faut amener la formation sur le lieu de stage ?» Avec ces éléments-là, on est un peu dans cette logique-là. On essaye d'amener la formation sur le lieu de stage pour qu'il soit plus porteur d'apprentissage et éventuellement d'occasion de développement. L'autre chose, et je refais de nouveau référence aux trois conditions là, mises en amont, il faut quand même un peu se méfier, parce que moi c'est une tendance que j'ai eue, je crois, et que j'ai peut-être un peu encore avec mes futurs professionnels, de ne pas trop tomber dans une espèce d'accompagnement qui vire un peu au maternage, quoi, parce que du coup la discordance, elle est un peu rabotée. Donc, je trouve que c'est une... Je m'adresse à moi-même un certain nombre de fois d'éviter un peu cette tendance-là. Et alors, il y avait le complément, donc amener la formation sur le lieu de stage, bon, voilà, mais aussi peut-être amener le travail dans la formation. C'est la partie réciproque. Et là, il y a en tout cas une communication où il y a, par exemple, on met en œuvre dans l'institution de formation elle-même, c'était dans le domaine de la formation agricole, des ateliers de production agricole grandeur nature. C'est un peu le mouvement inverse et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant à creuser, mais il n'y en a pas des masses d'exemples de ce type-là. J'ai trouvé que celui-là, je crois. Voilà. Alors, donc ça, c'était relativement à la première limite potentielle, en tout cas, du manque d'explicitation des apprentissages que l'on fait quand on est immergé dans un terrain professionnel. L'autre aspect, qui est le caractère local et qui donc invite à réfléchir condition B, là, comment va-t-on favoriser la généralisation des apprentissages? Parce que c'est vrai que les futurs professionnels, ils ne sont pas égaux dans leur capacité à décoller de la situation concrète dans laquelle ils ont été plongés et immergés pour en tirer des apprentissages plus généraux, voire des occasions de développement. Ce que les didacticiens appelleraient secondariser les apprentissages qu'ils ont faits dans une approche première de l'immersion. Et donc là, on voit vraiment dans un grand nombre de communications, les formateurs reprennent la main. C'est bien et c'est heureux, je dirais. Ça fait vraiment partie de leur responsabilité. Reprennent la main pour favoriser ce processus de généralisation des apprentissages. Alors, par quel biais? Évidemment, par des occasions de rétroaction individuelle. Il y a un certain nombre de dispositifs qui utilisent ce type de rétroaction individuelle qui ont tout leur sens parce que pour un futur professionnel, c'est important qu'il ait une occasion de rétroaction individuelle. Et là, bon, il y a un engouement certain pour les démarches d'auto-confrontation. Ça, c'est clair, ça reste. Ça. Si on faisait la statistique, je pense qu'il y en aurait beaucoup dans les communications. À côté de ça, place aussi pour des débriefings collectifs, ceux-là, ou en tout cas pour un groupe d'apprenants, dédiés alors au processus de conceptualisation. Alors, de quel ordre sont ces débriefings? Qu'est-ce qui touche comme registre? On a un peu le sentiment qu'il touche davantage le registre pragmatique, qui est très important, dont le but, là, c'est comment est-ce qu'on fait face à la situation, avec comme critère de réussite, effectivement, la réussite de l'action. Donc, les débriefings dédiés à la conceptualisation peuvent travailler sur ce registre-là. C'est souvent celui dans lequel entrent le plus volontiers les futurs professionnels. C'est ça qui les interpelle au premier chef. Par rapport au registre épistémique, où là, le but, ce serait de construire des savoirs au départ de son expérience, on a vu toutes les difficultés du processus d'épistémisation, particulièrement en formation initiale. Et c'est vrai, je pense qu'il y a d'une part le fait que les futurs professionnels, ils n'ont pas vraiment le matériau qui leur permet de faire ça et l'expérience suffisante avec un stage court, par exemple, peut-être davantage en alternance, on l'a évoqué lors de la conférence du premier jour. Par ailleurs, je pense que dans les équipes de formateurs, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça partout, mais parfois c'est difficile d'avoir plusieurs personnes, plusieurs formateurs responsables de différents champs de ressources différents, par exemple dans le dispositif, qui co-animent un débriefing, ce qui pourrait être intéressant dans les deux registres d'ailleurs. Mais donc souvent il y a une limite à la faisabilité dans les dispositifs par rapport à ça. Donc voilà, alors il y a aussi quelque chose qui a été évoqué toujours dans la démarche de la conceptualisation, c'est le rôle de l'écrit. Le rôle de l'écrit qui, effectivement, sous forme d'un rapport de stage, par exemple, pour autant que ce ne soit pas un rapport convenu, stratégique, où l'étudiant dise qu'il subodore que le formateur veut voir écrit, et que c'est un vrai rapport de stage qui permet vraiment la distance et le recul, c'est vrai que c'est une démarche aussi qui est propice à la conceptualisation des apprentissages. Maintenant, elle se fait avec soi-même, souvent, c'est ce moment de rédaction. On a évoqué dans certaines communications le fait qu'il y ait un deuxième temps de contact avec les condisciples, par exemple, voire invitant les formateurs de terrain, donc les maîtres de stage, à ces moments de retour plus partagé, ce qui est effectivement une solution très intéressante. Donc voilà quelques éléments par rapport au plan opératoire. Alors sur le plan des valeurs et des normes, c'est clair que les lieux de stage peuvent aussi être à l'origine de conflits, voire de ruptures. Sans aller jusque-là, des choses qui ont été vraiment mises assez bien en évidence dans les différentes communications, c'est la difficulté des futurs professionnels à prendre leur place dans le lieu de travail où ils débarquent en étant stagiaires. prendre sa place donc, dans le collectif de travail. Bon, le thème 5 a largement abordé ces aspects-là, mais c'est revenu quand même assez régulièrement dans les discussions des ateliers du thème 2, cette difficulté spécifique avec de positionnement des futurs professionnels dans le collectif du travail. Est-ce que je me conforme? Est-ce que j'essaye tout le temps de bien voir, de faire valoriser ce que je fais? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye d'imprimer un peu, de faire en tout cas ma traduction des normes qui régissent le lieu de travail? Alors, par rapport à ça, on pourrait de nouveau un peu se poser les questions qu'on pouvait se poser aussi sur le plan opératoire. Est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce que la formation, le dispositif de formation, les formateurs en institution ont intérêt à anticiper ces risques de résistance du terrain à certaines choses? En formation d'enseignants, c'est classique. Hein. On leur dit toute une série de choses en formation, et puis sur le terrain, quand ils reviennent, ils disent « oui, mais non, nous on se fait un peu trucider quand on parle de travail collaboratif, ça fait perdre du temps, on déplace les bancs, en plus il y en a qu'un qui travaille sur 5, enfin bref, donc arrêtez de nous bassiner les oreilles avec des... Hein. » Bon, donc, est-ce qu'il faut anticiper les résistances du terrain pour les travailler ensemble et les préparer à un peu gérer justement ce positionnement-là? Il y a un risque qui est de créer a priori un peu des effets d'attente négatifs par rapport au terrain. Donc, on peut un peu s'interroger sur la pertinence de cette démarche-là. Alors, Touring Secours, nous on a fait ça par exemple. Touring Secours, c'est-à-dire des permanences avec un numéro de téléphone pour les situations vraiment critiques. Bon, il y a des dangers potentiels, on voit tout de suite, à faire ce genre de choses. C'est parfois, c'est aussi quelque chose qu'on a fait parce que dans certains cas, on a le sentiment que le stagiaire est dans une situation qui, limite, est un peu destructrice pour l'amorce de sa construction identitaire. Et donc, ça peut être vraiment utile qu'il ait cette solution que moi j'appelle Touring Secours. Bon, voilà. Donc, alors, par rapport à ces propositions d'anticipation, on a toujours cette idée, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut laisser le décalage se produire, hein, condition A, là. Alors, l'histoire de Touring Secours, ça me paraît être mis en relation justement avec la possibilité qu'ont certains de reprendre en jeu ce qui se passe sur le terrain, les apprentissages qu'on les invite à faire. Quand c'est vraiment trop destructeur, quand je pense que ce n'est pas possible qu'ils reprennent à leur compte une série d'attendus d'apprentissage. Alors, évidemment, ici aussi, par rapport à cet objet, le débriefing sur les moments, avec un autre type de débriefing dont on a eu une communication vraiment centrée là-dessus, de Louis de Rive, qui est centrée alors plus sur les moments d'arbitrage, de conflits, de normes et de valeurs, et qui a vraiment aussi tout son sens à côté du processus de débriefing dédié à la conceptualisation, qui est ici aussi, le but est de se dire finalement comment j'agis, bon, avec ces pressions multiples, comment est-ce que je me positionne, et donc à aller vers une renormalisation. Donc ça c'est l'autre registre qui mérite aussi d'être exploité dans les débriefings, peut-être pas nécessairement ça, et puis, mais avec une interaction peut-être du travail sur les deux registres. Donc voilà pour l'aspect stage. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Comment ? Encore quelques minutes. Alors, l'autre aspect que j'avais annoncé, c'était alors... donc il y a beaucoup de communications qui ont été centrées sur les stages, mais à côté de ça, il y avait aussi un certain nombre de communications qui mettaient en avant des contributions spécifiques du dispositif de formation à l'apprentissage professionnel. Donc on est un peu dans plutôt ingénierie, en tout cas dans certains cas, je ne sais pas si on peut toujours le dire, notamment par toutes les mises en situation proches de la vie professionnelle. Je vais revenir là-dessus parce que ça a fait peut-être l'objet d'un débat. Donc différentes mises en situation prévues par le dispositif de formation, dont l'objectif est de permettre aux futurs professionnels de s'exercer, notamment à mobiliser de manière intégrée les différentes ressources que le dispositif leur procure pour effectivement contribuer de manière peut-être plus délibérée et plus progressive au développement de compétences de type professionnel. Il y a eu questionnement sur est-ce qu'il faut que ces mises en situation soient si proches que ça de la vie professionnelle, justement peut-être pour permettre ce décalage, cette prise de distance. Donc ça, c'est un questionnement. Et s'il y a écart, bon, il y a quand même un minimum de validité écologique entre les mises en situation qu'on propose et ce qui se passe dans la vraie vie professionnelle. Sinon, on tombe un peu à faux. Mais peut-être qu'effectivement, ce souci ne doit pas être poussé trop loin pour permettre justement un certain nombre de décalages. En tout cas, avec les simulateurs, on a eu ce questionnement-là. Alors, dans les choses qui ont été évoquées, il y a des choses qui relèvent, je dirais, des études de cas. Par exemple, des situations vécues par procuration, notamment en utilisant une plateforme comme Neopass là, pour la formation d'enseignants, avec des questionnements sur, effectivement, est-ce que ce type de mise en situation et d'expérience par procuration, ça a un potentiel de développement. On pourrait, effectivement, je pense qu'il y a un potentiel de développement, ça dépend de l'exploitation qu'on en fait et qu'on invite les futurs professionnels à en faire. Et donc, je pense qu'elles ont une place complémentaire à avoir dans un dispositif, vraiment, d'autant qu'elles permettent aussi de mieux anticiper et de mieux d'identifier ce qu'il vaut mieux de faire et de confronter les futurs professionnels à des situations qui sont quand même prototypiques de ce qu'ils risquent de rencontrer comme type de difficulté sur les stages. Donc ça permet aux formateurs d'anticiper sur un travail plus spécifique de différentes catégories de situations. Donc ça a des avantages incontestables. Mais ça ne remplace pas évidemment l'expérience propre. On n'a jamais d'ailleurs prétendu qu'il fallait remplacer une chose par l'autre. Hein. Mais parce que justement, elles ne sont pas expérientielles. Donc elles ont effectivement un pouvoir développemental, comme d'autres études de cas, mais elles ne sont pas expérientielles. Alors à côté de ça, il y a eu évidemment tout un atelier qui était centré sur des simulations, sur les simulations de tous ordres, les artefacts et notamment les simulateurs. Qui me paraissent davantage effectivement ancrés sur le développement de compétences opératoires que sur les aspects plus comment est-ce que je prends ma place forcément dans un collectif de travailleurs, puisqu'on est dans une simulation et que là le collectif il est un peu absent. Puis alors des choses qu'on voit de plus en plus dans les dispositifs de formation du type instruction au sosie, jeu de rôle, donc c'est une autre catégorie je dirais. Mais alors, on a aussi eu, en tout cas, l'une ou l'autre communication qui tire un peu vers l'exploitation d'un autre registre de l'activité qui est qualifié plutôt de mimésis, comme double de l'activité réelle, avec une exploitation de métaphores, de jeux, d'aspects plus ludiques. Et donc voilà, ça mériterait, à mon avis, que peut-être on organise systématiquement une petite rencontre, un petit symposium là autour, pour exploiter un petit peu, pour voir si vraiment c'est contradictoire ou s'il y a des choses communes. Sûrement, il y a des choses communes. Déjà, le partage du fait que c'est de l'activité qu'on parle dans les deux cas. Donc, c'est plus au niveau de la manière de l'appréhender. Voilà. Alors, je m'arrête là sur ce sujet-là. Alors, bien sûr que dans ces mises en situation, comme par rapport au stage, il est particulièrement... 2 minutes, d'accord. Particulièrement intéressant de coupler l'activité mise en œuvre lors de ces mises en situation à un retour là aussi réflexif et partagé, source de conceptualisation voire de renormalisation, même si sur le terrain des normes et des valeurs je pense que c'est sur le lieu de stage que c'est là qu'elles se vivent et qu'elles se perçoivent le plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, merci. Merci Jacqueline. On prend quand même une ou deux questions s'il y a des questions, et puis ben, on débordera un peu de l'horaire. Oui, bonjour, Philippe Chaubet, Université du Québec à Montréal. Juste une petite question sur la dernière diapositive à Madame Beckers, ici. Vous disiez des mises en situation couplées à un retour réflexif et partagé, source de conceptualisation, voire de renormalisation. Bon, dans mon esprit, une renormalisation, c'est aussi une forme de conceptualisation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais avec un autre registre, quoi. Sur un autre registre, où justement on aborde aussi, par exemple, le positionnement de la personne, ses relations avec... Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, c'est plus pertinent en relation avec des situations de stage, parce que c'est là que les normes sont le plus... qu'on les voit le plus entrer en tension éventuelle, que dans des mises en situation, même des jeux de rôle. C'est vrai qu'on peut déjà sentir un certain nombre de choses dans des jeux de rôle, mais il me semble que c'est... Mais je suis assez d'accord avec vous qu'effectivement, c'est une question de mots. Et peut-être que pour être sûr de ne pas laisser de côté une facette, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un mot qui le caractérise bien, pour attirer l'attention des formateurs, notamment, sur l'intérêt d'avoir une centration délibérée aussi là-dessus. Et que ça ne soit pas un peu incident, un apprentissage incident. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit aussi un apprentissage délibéré. Et donc, mettre un mot, peut-être que ce n'est pas plus mal. Une autre question, éventuellement ? Bon. Eh bien, on va passer à la restitution du... quatrième thème maintenant, par Paul Olry et Pierre Parège. Bonjour. Le comité d'organisation de ce colloque avait souhaité mettre en discussion une thématique qui soit peut-être, on va dire, d'actualité et qui permette aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. On a intitulé ce thème « Didactique professionnelle et nouvelles pressions sur le travail ». Un document à vocation éditoriale a proposé de contextualiser cette question au niveau du monde du travail dans son ensemble, du monde de la formation, puis de la didactique professionnelle. Le positionnement de ce texte a-t-il quelque peu effrayé les communicants ? Toujours est-il que nous n'avons reçu que 5 contributions. Ce qui nous a donné, contrairement à vous, Jacqueline, un atelier très confortable. D'autant que 2 communicantes québécoises n'ont pas pu se déplacer. Donc nous avons eu un atelier à 3 communications, donc une séance un peu intime, très bien, avec 3 communications discutées. Une de Grégory Munoz sur, on va dire, un apport théorique sur ce que pouvait apporter Simone Veil à la question et les rapprochements qui pouvaient être faits avec les travaux de Pierre. Et 2 contributions de recherche, une de Catherine Delgoulet, Laurie Raffis, et de Grégory Munoz à nouveau, associé à son collègue Olivier Villeray. Paul Olry et moi-même ayant pris en charge cet atelier, nous avons choisi de faire une restitution à 2 voix. Et si vous voulez bien, je vais commencer. Avec une remarque préalable, nous avons choisi de considérer la faiblesse du nombre des contributions de cet atelier comme un encouragement à prolonger l'effort de la problématisation de ces questions que nous jugeons essentielles pour nos champs de recherche et nos champs de pratique. À tel point, d'ailleurs, que notre atelier n'y suffit pas. Dès cet après-midi, vous aurez une table ronde avec des sociologues, avec Gérard Vergniaud comme discutant, je crois. La conférence de clôture sera animée par Francis Vergne, que j'aurai l'occasion de présenter cet après-midi, avec le titre d'une conférence... Le titre suivant, la recomposition néolibérale des espaces de formation professionnelle. Donc, oui, qu'on n'est pas, même si nous n'étions que 3, on prend une place importante finalement. Alors, c'est vrai que quand j'ai relu l'appel à contribution, voilà comment il commence. La vague de néolibéralisme qui a envahi durant ces dernières décades les systèmes politico-économiques a conduit à la spéculation, c'est-à-dire la recherche de profit sans produire, et a érigé au niveau mondial une concurrence généralisée. Cette recherche de résultats avant tout financiers tend à ignorer l'importance du travail comme espace de production, de socialisation, de réalisation de soi, nous dirions aujourd'hui de développement et d'apprentissage. Tous les secteurs, publics comme privés, marchands comme non marchands, et toutes les catégories de personnel sont aujourd'hui concernées par l'intensification du travail. Alors forcément, dit comme ça, on n'est pas obligé de vouloir répondre tout de suite. Alors, je vais essayer, en même temps que je vais parler, je vais prendre appui sur notamment la communication une des communications de Grégory. Je laisserai à Paul le soin d'évoquer les contributions de recherche. D'abord, nouvelles pressions sur le travail, est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles? Si on se réfère à Simone Veil, racontée par Grégory, elles ne sont pas nouvelles du tout. Simone Veil officiant dans les années 30-50. Elle nous propose de distinguer pression et oppression, pression étant la résistance du réel finalement dans le travail, l'oppression renvoyant à la domination. Distinction bien intéressante s'il en est. Et je dirais par rapport à ça, s'il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une idée peut-être qui m'est très personnelle, s'il y a quelque chose de nouveau, c'est que les pressions ont monté d'un cran. Je dirais qu'elles sont arrivées aujourd'hui au niveau du management. Quand on lit Simone Veil, on a les pressions qui portent sur le système de production. Là, je dirais que le système, ce qui peut être nouveau, c'est que les pressions maintenant sont portées sur le management qui lui-même porte ses pressions sur la production. Alors, j'ai choisi comme contribution, avant de laisser la parole à Paul sur les contributions, d'essayer de réouvrir finalement l'affaire à ceux qui voulaient bien y venir. Je suis allé lire deux, trois éléments de psychodynamique du travail, par exemple, qui nous proposent des pistes de réflexion quand même particulièrement fertiles à propos de la souffrance au travail. Christophe Dejour émet l'hypothèse que les sciences de l'ingénieur ont été détrônées au profit des sciences de la gestion. Incapables d'apporter la moindre assistance technique aux travailleurs qu'ils commandent, parce qu'ils n'ont aucune connaissance du travail concret, les gestionnaires s'en tiennent à fixer des objectifs toujours plus péremptoires, à miser sur la concurrence entre les travailleurs pour pouvoir se délester des responsabilités en matière d'allocation de moyens. Parmi les outils de gestion, précise-t-il encore, le plus délétère de tous pour la santé mentale et l'évaluation individualisée des performances. Vous voyez que le texte qui, je disais, qu'a peut-être effrayé, Claude Dejour, il y va pas mal fort. Christophe. J'ai dit qui? Claude. Alors non, c'est Christophe, son frère. Donc, je dirais, d'une certaine façon, la psychodynamique du travail pouvait, peut ou pourra se sentir invité dans le champ de préoccupation que nous essayons d'ouvrir. Quelques mots de la clinique de l'activité avec Yves Clos. La clinique de l'activité qui, face à l'efficience retenue comme unique critère de l'activité, précise que l'expérience des salariés, accumulée au fil des années dans une grande diversité de situations, ne parvient plus à se manifester. Il ajoute que ce qui est fatigant, ce qui exaspère les salariés, ce n'est pas la réalisation de la tâche, mais son empêchement. Ajoute-t-il encore, c'est dans la question, l'entrée dans la question est souvent par le stress, dont il inverse en fait la représentation dominante qui est passée dans le discours public. Dans la définition convenue, comme un trouble de l'adaptation, est tout à fait discutable, selon lui, dans la mesure où c'est très souvent l'organisation qui manque de ressources pour répondre aux demandes des opérateurs et pouvoir travailler correctement. C'est aussi intéressant, je pense. Et la clinique de l'activité pourra se sentir intéressée par le thème qu'on cherche à développer. Il y aurait lieu, et il y a lieu, de se tourner vers le cadre de la psychoergonomie, qui était déjà très représenté dans l'atelier et aussi dans les contributions. avec les questions de la préservation de la santé, de la compensation vis-à-vis des conditions de travail qui pèsent sur l'activité. Tout ce qui, aussi, concernant la prise en compte des risques psychosociaux. On retrouve ça notamment en ce moment dans les travaux de l'ANAC. Mais là, je vous dis, je laisserai plutôt à Paul le soin de présenter ses travaux, puisqu'ils étaient représentés dans l'atelier. Et puis aussi, on peut, par rapport à la faiblesse du nombre des communications, on peut mettre une hypothèse. J'étais en train de préparer ce matin, je n'ai pas entendu les rapports d'atelier, mais émettre l'hypothèse que cette thématique, finalement, se trouve un peu en filigrane dans beaucoup de travaux qui ont pu être évoqués et présentés au colloque, en tant que les pressions hautes sur le travail, par exemple, perturbent notamment la construction de l'identité professionnelle. Alors, après ce survol, je dirais que, bien sûr, non exhaustif, nous pourrions conclure avec une phrase que j'emprunte encore à Yves Clos, mais que j'aime bien. Aujourd'hui, c'est le travail qu'il s'agit de soigner. Alors, j'ai encore une minute ou deux ? Oui, je les prends. Alors, par rapport à la formation professionnelle, qu'en est-il dans ce contexte de la formation professionnelle ? Nous présentions dans le texte, mais peut-être nous dénoncions, finalement, nous présentions dans l'appel à contribution, la formation professionnelle comme une variable d'ajustement des politiques d'emploi, le plus souvent dépendante des pouvoirs de direction et ainsi potentiellement à la botte des tendances managériales. À l'individualisation de la gestion des compétences répond une individualisation des parcours de formation. À la polyvalence, à la mobilité répond l'idée de formation tout au long de la vie. Aux incertitudes économiques, au renforcement de la flexibilité répond la recherche d'employabilité et de sécurisation des parcours. Dans le texte fourni sur Simone Veil, il y a l'idée de rompre le silence. J'ai à bien y regarder. Les formateurs sont bien silencieux sur ces questions. Rompre le silence. Qu'on accepte peut-être un peu facilement le retour ou la permanence du behaviorisme triomphant. Mais quelle dérive pour les formateurs, j'étais pas là au début, je dirais, mais quelle dérive pour les formateurs depuis le grand projet de l'éducation populaire. Assujettissement ou émancipation, ça reste une bonne question pour les formateurs qu'on ne prend pas le temps souvent de poser. Et d'autant que si les formateurs, alors certes, milieu éparpillé par les statuts, par tout ce qu'on veut, si les formateurs n'ont pas de projet, mes dernières lectures me donnent à penser que les instances européennes en ont fabriqué un pour lui. Les instances européennes, la formation dans laquelle on peut associer l'éducation en général, et voire même depuis les textes sur Bologne, la recherche, et je le dirais en un mot un peu vif à ma manière, la marchandisation totale du savoir. Dans cette perspective, et sous couvert d'une société de la connaissance qui ne serait, si l'on en croit certains sociologues critiques, qu'une société des savoirs jetables mais déguisés, la didactique professionnelle nous propose une fenêtre, une perche à saisir, la conceptualisation dans l'action comme moteur du développement de l'intelligence de la tâche. L'activité productive contient sa part d'activité constructive. Pierre Pastré, dans son dernier ouvrage, repris par Grégory Munoz dans sa tentative de rapprochement de Veil et Pastré, présente le développement comme la capacité qu'ont les humains de transformer les contraintes en ressources, le reçu en conçu, le subi en assumé. On a entendu beaucoup cette phrase durant tout le colloque. Mais il prend soin d'ajouter que toutes les périodes, tous les contextes ne s'y prêtent pas forcément, et que l'intelligence au travail peut générer son contraire, une fragilité psychologique qui amène parfois les travailleurs à douter d'eux-mêmes et à devenir ainsi des proies pour ceux qui veulent les déstabiliser, les discréditer, voire les détruire. Je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue en précisant que l'apprentissage ne sera pas tant que l'apprentissage ne sera pas considéré par les milieux professionnels comme par les formateurs ont quelque chose à y voir, comme ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement chaotique, hein, l'apprentissage et le développement, un mouvement chaotique qui doit s'intégrer dans le temps plutôt qu'un processus continu, noyé dans le court terme, les prédateurs, puisqu'il s'agissait tout à l'heure d'être la proie, les prédateurs auront beau jeu. Alors, je vais terminer là-dessus pour, avant de passer la parole à Paul. Là aussi, ça a été abondamment repris dans tout le colloque, entre optimisme et espérance. J'ai cherché un mot, j'en ai trouvé deux. Je dirais entre les deux, il y a lucidité qui m'est venue et il y a vigilance. Voilà. C'est pas un show. Vous avez encore l'énergie de rester 10 minutes ou on s'arrête tout de suite? Il y a une forte pression sur vos estomacs. Bon, comme on avait 3 communications, on s'est dit qu'il fallait au moins 2 rapporteurs. Donc, on s'est posé quand même la question de réfléchir à la question qui était qui finissait finalement le dialogue entre le Pierre Pastré et Laurent Filietta hier, entre optimisme et espérance. Et on s'est dit que dans le fond, ce qui était les communications qui nous étaient données permettaient de poser quelques pistes là-dessus. Alors je voudrais spécifier que dans le fond, cet appel que Pierre a rappelé, cet appel à contribution, finalement a donné lieu à 2 types de contributions. Des contributions qui, vous voyez, donc sur 3, des contributions qui en fait s'intéressaient véritablement aux pressions sur le travail de formateur et des contributions qui portaient sur quelles difficultés rencontre le didacticien professionnel face à des terrains dans lesquels se manifestent les pressions sur le travail. Et donc, je vous fais une brève présentation avec le premier texte de Cathy Delgoulay et Laurie Raffi, qui a porté en fait sur les formateurs au travail. Et à partir de quelques entretiens avec des formateurs qui ont été conduits, bien dans le fond, il y a un certain nombre de points qui sont assez intéressants à relever à travers ce texte dont je vous conseille la lecture, bien évidemment. Le premier point, c'est finalement la question des conditions de l'exercice du métier de formateur. Dans leur enquête, Delgoulay et Raffi, finalement, insistent beaucoup sur la diversité des statuts dans l'exercice du formateur. Ce n'est pas seulement des formateurs temps plein, mais il y a des formateurs qui sont en vacation, qui sont en temps partiel, qui sont, etc., dans une diversité de statuts, parfois appartenant à des organismes différents. Et donc, il y a une forme d'éclatement, si vous voulez, du travail de formateur et un cumul de statuts qui fait que le formateur intervient dans des univers variés, dans des structures variées. Deuxième point important qui a été soulevé, c'est la question des temps de travail qui sont relativement atypiques, avec des formations évidemment qui sont de plus en plus brèves, mais qui parfois sont aussi de plus en plus concentrées, notamment au niveau de semaines, parfois auxquelles s'ajoutent des déplacements du formateur qui intervient et qui du coup complexifie beaucoup son activité de formateur. Et finalement, on pourrait dire qu'il y a une forme de densification du travail de formateur entre des attentes qui sont de plus en plus fortes. Il faut faire développer les compétences en 2 jours, voire en 4 heures, et avec une prescription en même temps qui est très faible, c'est-à-dire que les interlocuteurs, parfois, savent très bien ce qui mène derrière développer les compétences. Donc une forme, si on peut dire, hein, de jeu de position du formateur qui fait pression, de jeu de fragmentation finalement des temps, une forme d'intensification du travail du formateur, auquel on peut ajouter finalement une forme de parcellisation des tâches du formateur. Alors pour vous donner une idée, dans l'échantillon, si on peut dire, de formateurs qui ont été interviewés, eh bien, tous ces formateurs ne partagent que 2 tâches. Le face-à-face et la préparation pédagogique. Et ensuite, il y a une forte distinction entre ceux qui ont des charges administratives, qui font de l'ingénierie pédagogique, qui font de la valorisation professionnelle. Et donc finalement, vous voyez, on a, que ce soit formateur en formation professionnelle ou didacticien professionnel, ben dans le fond, des formateurs qui sont dans une relative difficulté d'exercice, au sens, alors pas seulement d'ailleurs dans l'exercice quotidien qui est le leur, mais finalement, dans une appartenance à un groupe professionnel dont les frontières deviennent relativement floues. C'est-à-dire que les statuts ne sont pas égaux, les temps sont atypiques, le travail n'est pas très clair. Et on retrouve là des résultats de travaux qui ont été conduits par Delescure, notamment en 2010, autour de l'activité de formateur et lui-même allant jusqu'à la notion de déprofessionnalisation du milieu des formateurs. Alors évidemment, on peut ajouter de cette étude d'Elgoulé et Rafi un élément assez complémentaire et que je trouve très, très intéressant dans leur travail, où ils évoquent les problèmes de santé liés aux formateurs, c'est-à-dire dans le fond, évidemment, on ne sort pas intact d'horaires atypiques, de difficultés de concentration des tâches. Et dans le fond, à la fois les formateurs, et c'est assez intéressant du point de vue du résultat qui a été énoncé, les formateurs sont à la fois, se sentent plutôt bien dans leur peau, mais en même temps, ils sont tout autant, c'est le même nombre hein, dans l'enquête qui a été relevée, ils sont tout autant à reconnaître des troubles infrapathologiques, c'est-à-dire des troubles qui commencent à toucher le sommeil, la régulation du travail, et qui en même temps sont des troubles qui ne nécessitent pas d'aller, en tout cas qui n'amènent pas ces formateurs à aller consulter le médecin du travail. Alors, dans le fond, on voit bien que se posent un peu des questions hein, sur l'inscription d'une perspective didactique professionnelle dans l'activité possible de ces formateurs. C'est-à-dire, si le travail est autant éclaté, comment faire pour que les formateurs deviennent des didacticiens professionnels qui aient analysé le travail et le temps, finalement, de conduire cette activité auquel, finalement, ce qui nous a réunis pendant ces journées les invite hein. Ça questionne aussi, bien sûr, la question des conditions de travail et des organisations du travail en organismes de formation qui sont extrêmement différentes. Et à cet égard, puisque nous avions peu de contributeurs, par contre nous avions une assistance de qualité dans la salle, et des collègues qui étaient présents dans la salle ont évoqué, à travers les organismes de formation auxquels ils appartiennent, eh bien, des problèmes qui sont les problèmes auxquels ils rencontrent, alors même qu'ils ont cette préoccupation hein, de rapprocher travail et formation comme ceci, eh bien, ils nous disent, oui, mais nous, on aimerait bien faire. Mais on n'a plus de stages, les stages sont saturés. Il y a de plus en plus de public dans nos formations, et donc on a de plus en plus de mal, évidemment, à pouvoir suivre les gens correctement. On constate des arrêts de formation de plus en plus fréquents dans ces mondes professionnels. Et puisqu'en l'occurrence il s'agit des instituts de formation en soins infirmiers, eh bien on se questionne sur la place de formateur, puisqu'on est à la fois pris entre des universitaires qui maintenant viennent donner des cours, c'est l'Europe dont vient de nous parler Pierre, son frère, Christophe peut-être, et par ailleurs les professionnels qui ont la charge de l'évaluation du travail en situation. Donc finalement, cette communication de nos collègues d'Elgoulé et Rafi m'a semblé sonner comme un rappel très fort à la communauté que nous sommes, un rappel à prêter attention au travail finalement et à ses dimensions, en ayant bien en tête ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, qui est finalement que non seulement il y a des contraintes objectives physiques sur le travail, mais aussi des formes d'investissement psychique différents au travail, et sur lesquels il s'agit évidemment de s'interroger. Alors du coup, si vous voulez, pour finir le plus vite possible, on peut s'interroger aussi sur le rôle des chercheurs en didactique professionnelle maintenant, et leur manière de prêter attention au travail précisément. L'intervention de Jacqueline tout à l'heure insistait dans cette restitution d'atelier sur finalement les aménagements que les formateurs concèdent pour essayer d'organiser cet entre-deux, hein, entre les milieux du travail et les milieux de la formation, entre finalement les processus qui étaient rappelés par Pierre hier, entre pragmatisation et épistémisation, tout ceci constituant des écarts à investiguer. On a vu l'inventivité très forte qui a été évoquée tout à l'heure à travers le propos de Jacqueline. Mais il y a le travail non Pierre rappelait hier, un peu, ou dans son livre plutôt, le travail entre œuvre et besogne à chaque fois, hein, qui font que les lieux de travail, justement, sont des lieux qui sont autant sous pression, finalement, que le lieu des formateurs. Et finalement, on voit bien que dans la question qui se pose de l'espérance qu'évoquait hier Pierre, mais qu'on retrouve aussi dans le texte donc, de Grégory Munoz qui a été évoqué tout à l'heure, dans le fond, se pose vraiment la question du pouvoir. Quel est le pouvoir? Il y avait le pouvoir, la puissance d'agir qu'évoquait Pierre, mais plus largement le pouvoir dans les organisations. Et on peut se poser la question de savoir comment chacun d'entre nous Alors pas seulement dans le monde de l'enseignement, hein, mais qui est quand même un monde institutionnalisé avec des organisations relativement stables peut-être. Mais comment le chercheur fonde une posture depuis sa position qui est au nom de la formation et qui travaille sur la formation dont il faut ne jamais oublier, nous semble-t-il, que la formation est subordonnée au pouvoir de direction. Alors c'est vrai particulièrement en France, peut-être que c'est moins vrai dans les contextes suisses. La deuxième chose, c'est évidemment le contenu du travail. Et là, je ferai référence à notre collègue Alain Savoyant, trop tôt disparu, qui avait toujours cette interpellation forte dans les séminaires que Pierre a animé en co-animation avec lui, enfin travaillé avec lui, dans lequel Alain nous rappelait toujours, mais on présentait des recherches un peu en tremblotant face à tous les deux, et il nous disait toujours, mais dans le fond, c'est quoi l'objet de la tâche ? Eh bien, je trouve qu'il faut vraiment se poser cette question-là de manière régulière, c'est-à-dire c'est quoi l'objet de la tâche ? Et le texte de Villeray et Munoz qu'on a eu hier était de ce point de vue-là tout à fait intéressant. C'était un texte qui présentait l'implantation, si vous voulez, de la mise en œuvre d'une option d'un diplôme dans un collectif d'enseignants. Et nos collègues soulignaient à juste titre que dans le fond, l'objet de la tâche, c'était pas l'option en elle-même, mais c'était la coopération, la coordination entre ces enseignants qui devaient se mettre en commun, si vous voulez, sur ce travail à mettre en œuvre. Et donc, ça repose véritablement la question du cadre d'analyse de travail dont on se dote pour réaliser et surtout bien cibler sur l'objet de la tâche, comme nous y invitait Alain. Le troisième point, c'est peut-être celui de l'intelligence de la tâche. Dans le fond, que nous disait le texte de Del Goulet et Raffi ? Si on est face à un travail qui est parcellisé, qui est éclaté, dont l'intensité est de plus en plus forte, et finalement, on voit bien aussi que les organisations du travail dans les univers professionnels sont de plus en plus intégrées, sont de plus en plus construites. Pierre évoquait le passage aux sciences de gestion plutôt qu'aux sciences de l'ingénieur. Eh bien, on pourrait se dire que, d'une certaine manière, les sciences de l'ingénierie et de la formation sont aussi, peut-être sont-elles aussi subordonnées aujourd'hui aux sciences de gestion de la formation. Et dans le fond, se pose la question de savoir quelle est l'intelligence de la tâche. Et dans le texte Villeray-Munoz, on voit bien cette question de la coordination entre les enseignants qui pose des questions autour de comment se conceptualise cette coordination, comment se clarifient ces compétences qui sont attendues. Et quelle est l'incidence que ça a sur la transposition des savoirs qui sont mis en œuvre et leur mise à portée pour les élèves, mais aussi les autres enseignants qui sont concernés par cette réforme. Enfin, dans le débat avec des chercheurs, si vous voulez, sur le travail, on peut s'interroger finalement, et de manière peut-être plus fondamentale, sur le fait que les chercheurs en didactique professionnelle, comme beaucoup d'autres chercheurs en ergonomie ou dans d'autres disciplines, finalement, nous produisons des enquêtes. Nous produisons des enquêtes sur le travail. On poursuit à travers ça une conceptualisation du travail, c'est-à-dire comment les professionnels conceptualisent leur activité pour nous en faire quelque chose qui nous semble tout à fait productif, qui est d'aller vers ce développement optimiste qui a été évoqué hier. Mais dans le fond, il y a une question qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est à quel titre et au nom de quoi on conduit cette enquête, dans la mesure où à certains moments, on pourrait être aussi perçu comme des gens qui facilitent, comme c'est évoqué dans le texte de Munoz et Villeray, une forme de rationalisation cognitive du travail. Et dans le fond, quelle est la position que nous tenons d'un point de vue éthique sur les productions, productions de nos résultats de recherche pour le travail conduit en activité. Donc, pour conclure, la question qui nous a semblé intéressante à Pierre et moi au départ, bien dans le fond, c'est bien ce rapport, si vous voulez, à l'émancipation des personnes que nous poursuivons, si on fait le rapport au projet d'éducation populaire qui était réévoqué tout à l'heure par Pierre. Et dans le fond, je pense que les sortes d'allant de soi que nous avons autour de ça, en se disant que finalement, si on aide à mieux comprendre, ça donne de la marge de manœuvre. Si on donne à mieux comprendre, ça redonne du pouvoir. Si on donne à mieux comprendre, ça donne du libre arbitre sur les situations. Si on donne à mieux comprendre, ça permet plus d'être créatif en situation. Ça n'est pas sans contrepartie pour nous, en termes de, que ce soit du côté des praticiens ou des chercheurs, en termes d'exigence, de clarification de nos positions, par rapport à un métier de la formation qui, on l'a dit, est un métier qui a tendance à devenir un peu flou. Et du coup, ça invite à des positions éthiques peut-être réaffirmées sur ce que c'est que faire de la didactique professionnelle dans les conditions qui sont les nôtres. Voilà ce qu'on peut dire de cette position. Merci aux intervenants. Je propose qu'on déporte les questions parce qu'il fait faim à cet après-midi. Profitez de la table ronde. Donc le repas a lieu dans le hall au-dessus, hein, avec le ticket. Merci beaucoup. C'est au deuxième étage.